J'ai si peur de ça, te regarder dans les yeux, le dégradé de bleu, la couleur de tes cheveux. J'ai si peur de toi, de me sentir un peu mieux, de retrouver le temps quand j'avais peur d'être vieux. J'ai si peur de moi, tu te déshabilles un peu, ton corps et mon mémoire et tes seins délicieux. J'ai si peur du là, de me retrouver par là, les courbes majestueuses de ton regard malicieux. Tu sais qu'elle est si belle qu'elle pourrait brûler le feu. Tu es si monodèle, elle n'en a que faire deux. Tu es si et si belle, c'est ce qui se fait de mieux. Tu es si monodèle, pourrait me brûler les yeux. J'ai si peur de ça.